À l'occasion des 5 ans du décès du général Kim Jong-il, des formations et établissements de divers pays ont fait paraître des numéros spéciaux dans leur page d'Internet. Le Cercle sud-africain d'études du kimsunisme Kim Jong-ilisme et l'Agence presse du Congo ont exalté les immortels exploits du grand homme coréen avec son portrait en sourire. Également, le Comité national d'études du kimsunisme Kim Jong-ilisme du Nigérien, le Comité national d'études des aides du Tutsi du Congo démocratique et l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée ont présenté des écrits sur la vie du général pour le peuple et la patrie.